comment allez-vous? C'est Thierry Gallet et aujourd'hui nous n'émettons que en FM sur 90.7, donc et bien pour les autres ce sera le podcast, c'est dommage mais c'est comme ça. J'espère que vous allez bien, c'est la saga numéro 616 et aujourd'hui c'est un 100% live. Au programme, John, Paul, Ringo, George, des chansons des Beatles, des invités comme Jeff Lynne, comme Danny Harrison, comme Eric Clapton et d'autres potes. Vous verrez ça tout au long de cette soirée qui va durer jusqu'à à peu près 22 heures. Bref, on va bien s'amuser, je ne vous dis rien d'autre. Habituellement, je vous dis de nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Ben là, ça va pas être possible parce que vous êtes... à moins que vous soyez sur Bordeaux et en FM. Là, à ce moment-là, vous pouvez commenter. Mais si vous ne l'êtes pas, si vous êtes trop loin, forcément, vous n'allez pas pouvoir écouter la saga. Vous l'aurez en podcast. Peut-être demain, si j'ai le temps. Peut-être un peu plus tard. Mais rassurez-vous, vous aurez le podcast. Bon, on va faire comme ça. Oh, ça arrive, hein. Ça arrive à toutes les radios. Et puis nous sommes une petite radio. Donc nous faisons le maximum pour vous. Directement sur le stade. Moi, j'y suis de toute façon. Il y a quelqu'un à la technique sur RIG et le show va commencer. Quel plaisir d'avoir John, Paul, Ringo et George ensemble à leur âge pour avoir un super concert, j'en suis à peu près sûr. Le rideau s'ouvre. Qui va commencer ? Oh, on commence par While My Guitar Gently Weeps. Et très probablement, George Harrison va chanter. I see. une chanson, voilà, avec Eric Clapton qui a les projecteurs centrés sur lui. Pour quelle raison? On va le savoir dans quelques secondes. Génial. Cette chanson a été co-écrite avec George Harrison, Badge, sur RG. Et c'est Clapton qui chante. We'll be right back. Thanks very much. And good evening. Superbe chanson. festival de Jamin là ce soir. Il y a eu d'abord Your Blues, puis maintenant Come Together. Il dit la prochaine fois on connaîtra les paroles. Et il continue avec Imagine. À l'écoute du concert de John, Paul, Ringo et George sur RIG 90.7 et seulement sur 90.7 exceptionnellement ce soir, puisque Internet, la diffusion sur Internet est en panne pour l'instant, mais il y aura le podcast pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'écouter parce qu'ils sont beaucoup plus loin que la portée de la FM bordelaise. Mais néanmoins, si vous êtes sur Bordeaux et que vous écoutez actuellement, sachez qu'il y a trois moyens pour en savoir plus sur les Beatles. Il y a le Maca Club, personnalisé beaucoup sur Paul McCartney, mais on peut parler également de John, Ringo et George. Il y a un site sur Internet, un forum, je veux dire, et également une page Facebook. En français également, il y a le yellowsub.net qui a également une page forum sur Internet et une page Facebook que je vous invite à consulter. Et puis, si vous êtes angliciste, donc si vous comprenez l'anglais, il y a le Beatles Magazine qui est à Londres. Mais qui est Lovely Rita du Beatles Magazine? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est beatlesmagazine.com. Merci Lovely Rita. Et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. La saga, c'est la saga, c'est la saga. direct. Okay, we're just going to do numbers that we know, you know, because we've never played together before. Oh, il dit on va faire une chanson qu'on connaît parce qu'on avait, on n'a jamais joué ensemble. John-Paul, Ringo et George, quand même. Well, it's a one for the money. Blue Sweet Shoes sur RG. Three to get ready now, go get go, go. Down, tread on my face, signing my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of them shoes, don't you? For my blue sweet shoes. You can do anything, lay off of them blue sweet shoes. Très en forme apparemment. Est-ce qu'on va rester dans le rock? Paul s'avance et c'est 20 Flight Rock. I gotta get away from working machine when it comes to rocking. She's a queen. Well, she dances on Saturday night. All alone, rock and hold it tight. She lives on 20th floor of town. The elevator's broken down, but I won't go to back to be like four. Five, six, and five, and five, four. Well, I'm starting to say, fifth, four, I'm ready to drop. Get to the top, well, I'm too tired to run. Well, she called me up on her telephone. Come on over, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This way on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked on to that Levi phone. Six and five, eight, five, four. On 12, I'm starting to sag. 15 before I'm ready to drop. Get to the top, well, I'm too tired to run. Six time using the stairs. I hope they hurry before it's too late. You know, I love my baby too much to wait. All this climate is getting me down. You find my cup straight over the rail. And I walk on to that Levi boat. Five, six, and nine, if I boat. On 12, now I'm starting to sag. 15 before I'm ready to train. I get to the top, well, I'm too tired to roll. Is everywhere. That you'd be proud of. All right. Thank you. I'm gonna write a little letter John Lennon, c'est George Harrison qui s'est illustré dans le rock avec Roll Over Beethoven sur RIG. Et là, oh, c'est rock encore, Matchbox. Est-ce que c'est chanté par Ringo ? À voir. be your man. Ça y est, on les a tous eus. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et il manque qui ? Ringo Starr, oui, à l'instant, donc avec I Wanna Be Your Man. Donc tout va bien. Vous êtes sur RIG 90.7 uniquement et c'est la saga des Fab Four numéro 616 aujourd'hui avec un spécial, j'allais dire special, mais oui, pourquoi pas, un spécial 100% live. Robbie wrote this morning, actually, on his way here. It's a little song you probably won't have heard before. It goes like this. One, two. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mine there. Tell you I need you every single day of my life. time we meet again, cause I had told you. When I'm with you, I want to stay. And if I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way. Un petit clin d'œil à 1989, puisque à cette époque, Robbie McIntosh faisait partie du groupe de Paul McCartney, et alors que maintenant, il est plutôt avec Ringo Starr quand il est avec eux sur le All Star Band. On a écouté pas mal de Beatles, l'air de rien. L'entrée en matière avec While My Guitar Gently Weeps par George. Il y a eu Your Blues, Come Together. Et bon, imagine, là, c'est pas Beatles. Il y a eu 20 Flight Rock, a été chanté au début. C'est la chanson qui a aidé McCartney à faire partie du groupe Quarryman, parce qu'il savait la jouer. Il y a eu Roll Over Beethoven, Matchbox, mais chanté par Paul, et non pas par Ringo. I Wanna Be Your Man, par Ringo cette fois-ci. Et à l'instant, Got To Get You Into My Life. La suite, c'est maintenant sur RG, dans la saga des Fab Four. Don't need love in. No passport, and you don't need no visa. You don't need to designate or to emigrate before you come to Jesus. You open up your heart. You open up your heart.

Quelle belle chanson chantée par Paul McCartney sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. Tom Petty, Danny Harrison, Jeff Lynne montent sur scène. Pour quelle raison? Handle with care, je m'en doutais. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Noël, RIG 90.7 vous propose un concert enregistré dans une dimension parallèle dans laquelle John, Paul, Ringo et George sont tous vivants et sont tous en forme. Je connais le morceau, c'est encore du rock'n'roll très très fort, Soily sur RIG maintenant. Parlez-en autour de vous, la saga des Fab Four, c'est uniquement sur RIG 90.7. We'll be right back. voix, quel son de basse. Fabuleux Paul McCartney sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Dans un peu plus de 45 minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z en live aussi. Soyez présents, je compte sur vous. On a une chanson qui met en valeur le batteur. C'est Coming Up, la voici. We'll be right back. to lead a better life. I need my love to be here. Véritable superbe version avec de l'accordéon et tout ça. Oula, il continue. All My Loving sur RG, toujours Paul McCartney. Battant ce concert, il laisse la place à Ringo Starr. Don't go where the roads don't go, sur RG. I don't remember many yesterdays. I left a lot of things undone.

Et Richard Starkey, alias Ringo Starr, va laisser sa place à Monsieur George Harrison pour une très très belle chanson. Non, non, pas George Harrison, c'est Billy Preston, pardon. C'est une chanson de George Harrison, c'est ce que je voulais dire. Preston et Eric Clapton sur RG dans la saga des Fab Four. On a bientôt terminé déjà, mais il nous reste encore les meilleurs. Waouh. Eric Clapton et tout le monde sur RG. que quatre batteurs sur ce titre-là, dont Ringo Starr évidemment. Il y a eu Jeff Lynne, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, donc Tom Petty et LHD, oui, et d'autres, Eric Clapton. C'était merveilleux. Et voici la fin, c'est sûr. Golden Slumbers, Carry That Weight, the end. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back. Your eyes smile. oui, même en FM, il fallait que ça se termine. Merci à vous toutes et tous. Rendez-vous pour beaucoup de gens avec le podcast que je vais tâcher de vous faire demain. Je vous laisse entre les mains douces et la voix de velours et le rire amusant aussi de Eric. Dès qu'il se trompe, il ne peut pas s'empêcher de se marrer. Vous allez le constater certainement tout à l'heure. À très très bientôt. Bisous aux filles, prenez main aux garçons. Salut.